après Monaco et Marseille, des biens. Ici Nicolas Martel. Je vous invite du 13 au 16 septembre à venir assister en grand nombre au 48e championnat mondial de pétanque avec plus de 48 pays participants. Également, la tenue du festival des biens extrêmes avec la plus grosse sourcière au monde, la chaise musicale géante, le championnat mondial de pédalo et plusieurs autres activités seront à l'honneur. De plus, en soirée, trois spectacles de Québec Cime, partenaire majeur de l'événement. Pour achat de billets ou informations, consultez le site web et le Facebook de la ville de Lévis. On va parler de baseball avec notre ami Bruno Boudreau. C'est longtemps qu'il n'a pas parlé. Salut Bruno! Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. Avec les vacances et tout ça, ben c'est normal là, que tu prennes une pause, puis c'est bien correct. De même, au prix, je te paye. Tu peux te permettre de prendre une pause. Bruno, beaucoup de nouvelles sur les Blue Jays de Toronto. Ouais. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de rumeurs, toutes sortes d'histoires entourant les Blue Jays. D'abord, moi, je suis content. On va commencer avec le premier sujet. Je suis content parce que ce gars-là a plus d'affaires dans les mineurs et il devrait être à Toronto. On le sait que c'est une question monétaire. Les Blue Jays l'admettront jamais parce qu'ils diront jamais parce que l'association des joueurs va déposer un grief. Sauf que ce qu'on a appris ce matin, c'est que l'association des joueurs surveille le dossier Vladimir Guerrero. Et si on se fie au jour, parce qu'on sait que c'est une question de jour et d'ancienneté qui n'est pas dans les majeurs, normalement, il ne devrait même pas commencer l'année dans les majeurs. Il devrait être rappelé autour du 12 avril 2019. Et là, l'association des joueurs s'en mêle. Je suis content là-dedans, moi. Parce que quelque part, ce gars-là, les amateurs sont pris en otage. Parce que Guerrero devrait être à Toronto. Oui, puis tu sais, dans le fond, il y a plusieurs écoles de pensée. Puis la chose de base, c'est que Guerrero, il est trop fort pour les mineurs. Ça, c'est puis il serait prêt à jouer dans le baseball majeur. Ça, tout le monde s'entend là-dessus. Puis ton point sur le partisan, c'est lui qui est pris en otage de la situation. La réalité, de l'autre côté, c'est que l'équipe ne peut pas dire non plus, en fonction de la convention collective actuelle, peut pas dire le joueur, on le garde des mineurs pour une raison contractuelle. Il faut qu'il y ait une raison baseball. Souvent, on va dire, il faut travailler la défense d'un joueur. On l'entend souvent. La meilleure que j'ai eue cet été, c'était de Ross Haskins. Il faut qu'il apprenne à être un bon coéquipier. Ben, c'est ça. Une sorte de niaiserie. On sort des éléments autour du joueur, mais il faut absolument, on ne peut pas dire publiquement, c'est interdit par la convention. Puis c'est certain que les clubs ne vont pas le dire. Maintenant, à savoir, dans ce cas-ci, on sait que c'est le cas. Puis je te mentionnais avant d'entrer un autre exemple. Et là, il est Menez avec les White Sox de Chicago. C'est la même chose. Et Menez est peut-être le meilleur frappeur du 3 toute la saison. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il est prêt à être rappelé par les White Sox, qui ne sont pas une puissance. On s'entendra là-dessus. Donc, mais Jiménez, lui aussi, va commencer juste en 2019 son temps de service dans le baseball majeur. Et dans les deux cas, ben, on a trouvé des raisons baseball pour indiquer qu'on les gardait plus bas, continuer leur développement de ci ou de ça. Puis encore là, c'est le droit de l'équipe. C'est sûr que le partisan, il est perdant en cours de route, mais j'écoutais Steve Phillips midi, l'ancien directeur général des Mets, puis ce qu'il mentionnait, c'est que c'est un peu une balance hein, dans le baseball, contrairement à d'autres sports comme le football, par exemple, qui n'a pas de contrat garanti. Mais au baseball, il y a des contrats garantis. Puis c'est un peu la même chose qu'on voit au hockey actuellement comme mouvance. Si on fait le parallèle avec le hockey, c'est que de plus en plus, les joueurs qui sont plus vieux, qui ont des contrats plus chers sur de plus longues périodes puis qui ne produisent plus, bien, pour contrebalancer ces effets-là au niveau de la masse salariale d'une équipe, on voit de plus en plus de jeunes arriver rapidement. Et ces jeunes-là, on veut s'assurer aussi qu'on a le plus long contrôle sur eux. Les systèmes sont différents au baseball puis au hockey, mais en bout de ligne, c'est la même chose. Mm. On veut s'assurer le plus longtemps possible d'avoir des joueurs à faible coût. Et ce que Phillips mentionnait, c'est que c'est bien beau pour l'association des joueurs de faire une levée de bouclier là-dessus puis d'aller chercher un peu d'opinion populaire dans l'opinion publique. Puis on sent que c'est une bataille. Hein. Ils vont avoir une grosse négociation collective au baseball, peut-être la plus grosse depuis la grève de 94. Et ce qu'on voit là, c'est que il y a un affrontement qui se dessine, puis c'est des petits moves un peu politiques aussi. On veut juste bien paraître, parce que en bout de ligne, si les propriétaires se disent « pas de problème, on va les rentrer plus tôt les jeunes, on va les payer plus, mais vous allez perdre des contrats garantis », Philippe dit « je peux vous garantir qu'il n'y a pas personne de l'association des joueurs qui va accepter ça ». Donc, c'est un peu une campagne aussi d'opinion publique, mais en même temps, ça marche, parce que moi et toi, on est d'accord que Guerrero devrait jouer dans le baseball, fait qu'on dit ben, « c'est bon que l'association des joueurs fasse quelque chose, parce que ce gars-là devrait jouer dans le baseball majeur ». Mais quand tu regardes plus la négociation des deux parties, c'est là que tu vois un peu qu'il y a comme une petite partie politique là, qui est là-dedans. Parce qu'il y a deux cas qui sont arrivés. Ronald Acuna, qui, ben lui, il a été rappelé en début de saison par les Braves. Et t'as Nick Soto, oui, qui a 19 ans, qui a été rappelé, c'est au mois de juin par les Nationals de Washington. Il y a 19 ans, le gars, là. Donc, écoute, là, c'est un peu le même bateau. Parce que moi, je pense que Guerrero aurait été prêt au mois de juillet, normalement. Oui. Après sa blessure, il aurait dû faire une semaine à Buffalo et être rappelé par la suite. Oui, mais la différence majeure dans ce cas-là, c'est vraiment la position de l'équipe. T'sais, on sait qu'en plus, on a maintenant Topoulos du côté des Braves, qui a une mentalité plus agressive. Mm. Les Braves voyaient vraiment une opportunité cette année pour gagner. Donc, ils sont prêts à sacrifier une année de service d'un joueur en échange d'une participation en série. Puis quand on regarde aujourd'hui, les Braves sont en tête, puis à moins d'un changement majeur, devraient remporter le championnat dans l'Est. Puis pour les Nationals, c'était plus un mouvement de panique. C'était la dernière année, possiblement, de Bryce Harper. Ouais. On avait des blessés dans le champ, puis on s'est dit, on y va un peu plus all-in. Fait que là, c'est la mentalité de l'équipe. Je peux vous garantir une chose, si jamais les Blue Jays avaient été dans la course au mois d'août, Vladimir aurait été habillé pour cette course-là. Mais comme on n'était plus là, c'est quoi l'intérêt de le ramener pour l'équipe? Ben, c'est quoi? Il n'y en a pas. On le ramène dans une situation dans laquelle... Non, mais d'un point de vue strictement, il y a le point de vue business, mais même pour le point de vue baseball et business, tu combines les deux. C'est un gars que tu vas avoir sous contrôle pendant 6-7 ans, tu n'es plus dans la course. Ça sert à quoi cette année de l'amener? Oui, ça fait plaisir aux partisans, mais en même temps, le partisan va peut-être plus gagner de l'avoir une année de plus dans une course au championnat dans 2-3 ans. Mais ça reste que, pour ce qui est des Braves avec Acuna, ça a bien tourné, mais ils sont vraiment aussi dans une situation où ils veulent gagner maintenant. Oui, effectivement. Josh Donaldson, écoute, ça c'est bon ça. C'est Josh Donaldson, John Heyman, qui est un des meilleurs insiders du baseball majeur. Il est un meilleur, Bruno, avec John Morosi puis Ken Rosenthal. Oui. C'est dans les meilleurs. Il a affirmé hier sur CBS Sports que les Blue Jays avaient offert 25 millions, un contrat de 3 ans évalué à 75 millions à Josh Donaldson en février. Moi, je ne sais pas si c'est vrai, si l'information est vraie. L'agent de Josh Donaldson, faut qu'il soit blâmé parce que l'agent de Josh Donaldson, parce que on regarde aller comment le marché a eu lieu l'hiver passé. Donaldson a pris tout qu'un risque, puis là, il va se ramasser gros gens comme devant. Si c'est vrai, là. Oui, puis là, évidemment, là, c'est qui a raison, qui a tort. Là. L'agent a démenti. George Donaldson lui-même sur Twitter est allé se défendre. Bon, on ne sait pas exactement ce qu'est la vérité là-dedans. Si on prend, par contre, l'historique récent des Blue Jays, moi, je pense à les contrats qui avaient été offerts. On s'en souvient, Edwin Encarnacion qui ne voulait pas signer le contrat de 3 ans avec les Blue Jays. Même José Bautista, lui aussi, qui s'est retrouvé finalement perdant de ne pas signer ce fameux contrat de 3 ans que Toronto avait offert. Ça fait du sens. C'est un contrat logique que les Blue Jays auraient pu offrir à Josh Donaldson. Fait que si c'est vrai, il a probablement été mal conseillé, comme on se disait à l'époque la même chose de Bautista, puis même Encarnacion qui a fini par signer pour les mêmes termes avec les Indians, mais ça reste que ça a pris du temps. Puis il y a bien des joueurs qui se sont ramassés pas de contrat. Fait que c'est peut-être des agents qui ont mal évalué le marché. Ça, c'est le côté où les Blue Jays, pour moi, s'ils ont fait cette offre-là, ils ont fait le bon move. Mais même s'ils n'ont pas fait d'offre à Josh Donaldson, ça reste qu'ils ont pris un pari. C'était un pari risqué avec Donaldson, c'est un pari qui n'aura pas été payant. Ils ont pris le pari que cette année, Donaldson serait vraiment, premièrement, serait en santé. Puis deuxièmement, serait soit assez bon pour permettre à l'équipe de se maintenir dans une course, ou sinon, serait quand même assez bon pour avoir une valeur à date limite de transaction. Fait que, dans le fond, si en plus ils ont offert un contrat à long terme, puis peut-être qu'ils ont offert le contrat en se disant on va l'échanger pareil cet été, fait qu'on n'aura pas à le supporter, mais il va être plus facile à échanger encore à ce moment-là. Ben je pense que qu'on le regarde comme ça dans l'ensemble, on est beaucoup critique des Blue Jays, mais là je pense qu'ils ont fait les bonnes actions. Là. C'était dur de prévoir que tout allait tomber comme ça, puis c'était le risque à prendre aussi, parce que Donaldson, qu'on le veuille ou non, s'il ne voulait pas rester plus longtemps à Toronto, la seule chance qu'il avait d'obtenir quelque chose, c'est de le faire jouer, puis d'espérer qu'il frappe bien, puis qu'on l'échange. Ouais. Puis finalement, ben, ça n'a pas été le cas, puis il se ramasse le bec à l'eau, l'équipe. Mais après ça, de voir ça sortir dans les médias, ça montre que la relation est vraiment, vraiment tendue entre les deux parties. Fait que ceux qui avaient encore un peu d'espoir que Donaldson revienne à Toronto, là, c'est terminé, il est échangé, puis il ne reviendra pas non plus comme joueur autonome. Puis, puis ce qu'on a su, c'est qu'apparemment qu'il va sortir de quoi mener. Il va parler contre l'organisation des Blue Jays, puisqu'apparemment qu'il n'a pas aimé son traitement qu'il a fait. Donc, ça va être à suivre. Troisième élément d'actualité concernant les Blue Jays, et ça, je serais content. Mark Shapiro, c'est pas mon préféré. Il y a des rumeurs qu'il l'envoie comme président des Mets de New York. Moi, tant qu'à moi, là, venez chercher puis ça braise. Puis tu sais, les rumeurs ils ont été quand même démenties aujourd'hui par certains insiders. Donc, ça reste à voir. C'est sûr que il n'y a jamais de fumée sans feu, là, fait qu'il y a sûrement des tractations qui se font. Est-ce que nécessairement ça sera Chapiro lui-même ou d'autres membres de la haute direction des Blue Jays qui seront visés? C'est peut-être plus ces gars-là qui sont autour de Chapiro qui pourraient éventuellement parler, des gars comme partir comme des gars comme Ben Cherington, l'ancien directeur général des Red Sox, ou la Cava, des gars qui sont autour de la haute direction des Blue Jays. Puis dans le cas de Shapiro aussi, il y a comme une patte aussi qui est manquante à ce qu'il fait, parce que on l'avait emmené beaucoup comme le nouveau président, puis on sait là, qu'il est arrivé avec la mentalité qu'il y avait à Cleveland, avec un petit peu moins de budget, puis une mentalité plus de développement de jeunes, puis tenter de construire une organisation plus sur le long terme. C'est sûr que ça vient de clasher avec le grand succès qu'ont connu les Blue Jays pendant 2-3 ans, puis les séries de championnat et tout ça, qui a vraiment relancé la flamme pour l'équipe. Mais il y a aussi le dossier du stade qui ne bouge pas beaucoup. Tu sais, on avait parlé beaucoup qu'il allait avoir la rénovation du Rogers Center, puis je lisais un article intéressant récemment de Shai Davidi de Sportsnet, avec les derniers développements sur la question. Puis il regardait aussi la situation, entre autres, les Rangers du Texas qui se construisent un nouveau stade, puis toutes les équipes maintenant qui se font des stades avec des hôtels autour et tout ça. Puis il regardait pour voir est-ce que c'est ça le thinking que les Blue Jays ont en ce moment. Puis c'est un dossier qu'on n'entend pas beaucoup parler. Fait dans le cas de Shapiro, soit qu'il va rester jusqu'au bout pour compléter et la reconstruction de l'équipe à sa vision et la reconstruction du stade et des infrastructures, ou bien il va s'en aller. Puis ça, s'il s'en va aussi, il y a des rumeurs comme de quoi il y aurait un disconnect avec les propriétaires, mais aussi les propriétaires, ça reste à voir est-ce que l'équipe est à vendre, est-ce qu'elle n'est pas à vendre. Oui, c'est ça, il y a une rumeur. Il y avait des rumeurs que Rogers voudrait se départir des Jays. Exact. En fait, tout ce qu'on dit depuis tantôt, autant Shapiro, puis on va parler aussi de Gibbons dans quelques minutes, mais quand on regarde toutes les nouvelles qu'on se mentionne en ce moment des Blue Jays, il n'y a pas grand-chose de positif. Oui, Vladimir, ça va être un joueur d'impact magique qui va arriver l'an prochain, mais quand tu regardes toutes les histoires que tu entends des Blue Jays au mois de septembre, ben, ça fait changement de ce qu'on voyait il y a 2-3 ans, quand on était dans la course, qu'on était en train de gagner la division, qu'on était en train de se préparer pour jouer les séries, puis les matchs avec le circuit de Bautista, puis tout ça. Alors, on est 2 ans plus tard, puis on est complètement ailleurs dans les histoires. Puis, j'ai regardé cette semaine les foules, 12, 13 000, 14 000. On voit qu'il y a vraiment un essoufflement du buzz qu'il y a eu autour des Blue Jays là, des dernières années. Et tu sais, c'est beau les filiales. C'est beau les. Moi, j'en suis un qui sais quand même ma passion pour les filiales. Puis, mais à un moment donné, il faut gagner. Puis, c'est Mark Griffin qui disait ça l'autre fois dans son podcast à RDS, qui disait que je pense qu'on s'en était parlé, Bruno, les joueurs qu'Alex. A échangé, hein? Noah Syndergaard qui performe dans le fond. Fait que, tu sais, Shapiro était le premier critiquant Alex d'avoir vidé le club ferme. Cependant, ça a donné deux championnats. L'équipe, les Blue Jays, la marque est extraordinaire. Rogers, l'action de Rogers a monté de 40%. Tu sais, à un moment donné, c'est bien beau avoir un bon réseau de filiales. Par contre, il faut gagner de temps en temps. Exact. Puis c'est un peu là aussi que le partisan des Blue Jays, quand tu regardes autant sur la communauté de partisans, les forums, t'entends un peu ce qui se dit aussi sur les lignes ouvertes. Ben il y a comme les deux clashs. T'as les partisans de longue haleine des Blue Jays qui disent pas grave, c'est un cycle, on va revenir fort. Puis t'as ceux qui avaient rembarqué dans le bateau puis qui se croyaient partis pour quelques années, puis qui regardent à côté ce qu'il est en train de faire avec les Braves. On en parlait tantôt à Kuna. Ils continuent une mentalité agressive. On y va jusqu'au bout. Puis c'est ce que le monde, c'est ce qui a plu aux gens d'Antopoulos puis de cette gestion-là. Puis c'est ce qui plaît un peu moins parce qu'on a bien beau à dire qu'on a plein de joueurs d'avenir, puis Vlad, c'est un joueur d'exception. Mais si jamais ça marche pas, on n'aura peut-être pas été jusqu'au bout de ce noyau-là qui est allé loin dans les séries. On dit qu'on l'a étiré une année ou deux de plus, mais on a tellement changé de choses au travers que finalement, c'est pas tant vrai. On l'a utilisé 2 années, ça a été 2 séries de championnat. Puis après, les joueurs se sont essoufflés, puis ça a été terminé. OK. Bruno, on va en reparler dans le podcast, puisque là je ne veux pas faire un podcast de 30 minutes. Là. On va parler des courses. Il y avait des séries très importantes cette semaine dans les différentes dans les différentes divisions. Les Cubs contre Milwaukee. Les Cubs ont gagné 2 matchs à Milwaukee. Ça, c'est très intéressant. Là. Oui, puis tu sais, les Cubs, dans le fond, il y a bien des gens qui les voyaient comme favoris, puis... Moi, j'ai suivi beaucoup leur saison cette année, puis c'est une équipe qui a quand même du succès, là, avec une fiche de 83-57. Puis je pense que, sans dire qu'ils se sont assurés du championnat, puis ils rejouent encore contre, entre autres, les Cards d'ici la fin de l'année, mais avec 3 semaines à peu près à faire à l'année, une avance de 4,5 matchs, ça a été des grosses victoires du côté de Milwaukee. Puis je pense que les Brewers, il manque un petit quelque chose encore sur les Cubs, mais ça me surprend prendrais pas des voix dans le match du meilleur deuxième. C'est une équipe que je trouve qui a vraiment un beau potentiel. Mais Chicago devrait normalement remporter la division centrale. Je pense qu'ils sont bien en selle. Malgré la saga Yu Darvish et tout ça, l'équipe, elle se maintient. Puis je suis pas mal certain qu'ils vont être capables d'aller gagner le championnat. Les Yankees étaient sur la côte ouest encore. Ils ont joué contre les A's d'Oakland. Et là, ils affrontent les Mariners à Seattle pour 3 matchs. Les Mariners n'ont pas le choix. Ils doivent en gagner 2 sur 3. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus. Oui, j'irais même peut-être même jusqu'à 3 sur 3. On a vu cette semaine, il y a eu aussi des escarmouches dans le vestiaire des Mariners. Il y aurait eu une bataille entre les joueurs. Oui, il n'y a pas les commentateurs des Tigers. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. J'imagine Jacques Doucet et Roger Brulotte se battre. Mais ça, on va en revenir. Continue, puis on va en revenir à la fin. Mais en fait, ce que je te disais, c'est que c'est vraiment, pour les Mariners, c'est maintenant ou jamais. Puis ils ont vraiment de la dissension dans l'équipe. Je pense pas que le retour de Robinson Cano, ça va être suffisant pour amener les Mariners. C'est une bonne saison pour Seattle, là, mais je pense pas que ça va être suffisant. Puis dans le cas des A's, qui est une de mes équipes préférées, ben tout s'enligne, à moins d'un changement majeur, ça va être les A's contre les Yankees. On sait pas si ça va être à New York ou à Oakland. Ça devrait être à New York. Mais normalement, ça devrait être à New York. C'est un petit stade, fait que les frappeurs des A's, on voit, ils frappent beaucoup de circuits, ça pourrait leur donner une chance. Mais on a vu, dans cette série-là, je pense qu'on a vu du côté des deux équipes les problèmes. Il y a des blessures de Yankees. S'ils reviennent, ils vont être beaucoup plus dominants. Puis du côté des A's, le monticule, là, ça marche, ça tient, mais on dirait que ça tient juste par un fil, puis c'est l'offensive qui mène le balle. Puis dans les séries, c'est un genre de cocktail là, qui marche pas tout le temps. Effectivement. Hey, les Rays, les futurs expos. Incroyable, pareil. Ils sont à 7 matchs et demi des Yankees et du Walker avec toutes les ventes de feu qu'ils font. Écoute, si c'est eux autres qui arrivent en 2020, parce que je suis pas sûr qu'à Tampa Bay ça va marcher, là, puis je pense que le commissaire commence à t'écœurer, là. Pour ouvrir, ce serait intéressant, à mot à dire, hein. Oui, puis tu sais, tu regardes les Rays, hein, au début de l'année, à un moment donné, ils ont décidé d'y aller avec 6 partants, puis au lieu de 5 partants, puis après ça, ils faisaient faire des départs à des releveurs qui commençaient 2 manches, puis on emmenait d'autres mondes. Puis là, il y a d'autres équipes qui ont copié le modèle un peu ou pas beaucoup. En tout cas, on l'a vu tout au long de l'année. Mais ce que ça dit, c'est que le modèle des Rays qui est en place depuis longtemps, de refourner avec la jeunesse, de faire des échanges. Tu regardes l'échange de Chris Archer, ils ont été chercher plein d'autres jeunes à Pittsburgh. Finalement, c'était une mauvaise transaction pour les Pirates qui sont nullement dans la course. Fait que tu regardes les Rays, à chaque année, ils trouvent le moyen d'aller se positionner. Par contre, puis même si c'est bon, ça reste qu'ils ont fait une participation aux séries intéressantes en 10 ans. Ça a été en 2008, 10 ans, quand ils sont allés en série mondiale. Puis tu sais, oui, ça marche, puis oui, c'est impressionnant, puis oui, c'est intéressant à regarder l'affiche et tout ça, mais c'est difficile pour les partisans de s'identifier parce que l'équipe, elle change tellement tout le temps. Puis les joueurs vedettes, dès qu'ils deviennent vraiment bons, ils partent. C'est un modèle qui marche, mais c'est un modèle que pour le partisan est un petit peu, moi je trouve, difficile à suivre. Mais Gad, je pense que s'il arrive à Montréal, le réseau de développement, ça devrait être, la recette devrait être bon, en plus de garder quelques joueurs. C'est ça, il manque un peu d'argent. Oui, il manque un peu d'argent, puis il faut vraiment que Gad, Blake Snell, c'est un lanceur qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il va avoir des votes pour le Cy Young. Oui, puis c'est vraiment, vraiment imposé, là. C'est des gars comme ça qui permettent à l'équipe d'échanger justement un gars comme Chris Archer, tu sais, qui était peut-être le visage de ton organisation comme lanceur. Mais moi, je pense, le lanceur qui me revient toujours en tête, c'est tous ces jeunes lanceurs-là qui ont passé. Ça a commencé avec David Price. Hein. On se souvient David Price quand il est arrivé en 2008 comme releveur. Il a fait sensation. Il avait éliminé quasiment lui-même les Red Sox pour se rendre en série mondiale. Puis tous les lanceurs, après, ont suivi dans le même moule. Puis ceux qui ont été bons, ont été bons 2-3 ans. On a fini par les échanger, chercher d'autres lanceurs. Fait que c'est comme une rotation qui tourne. C'est ça qui manque. Si cette équipe-là pouvait avoir un peu plus de moyens, ils développent tellement bien les joueurs. Puis c'est pour ça qu'on parlait avec les expos est bon, hein. Parce qu'ils développent vraiment bien les joueurs. On vient à l'époque, on dit les expos, c'était la filiale de développement du baseball. C'était la même chose. On développait vraiment bien aux joueurs. Une fois de temps en temps, on était assez bon pour être un peu dans la course au mois d'août, puis on s'énervait le poil des jambes. Puis après ça, on était 2-3 ans plus bas dans la cave. Mais on n'était jamais une équipe de fond là, qui gagnait 50 matchs du côté des expos. C'est un peu ce que les Rays font. Moi, j'étais convaincu qu'après que Joe Maddon ait quitté pour Chicago, que ça allait être d'un bas fond. J'étais convaincu de ça, mais finalement, Kevin Cash fait tout un travail également, comme un peu dans la continuité, hein? Oui, puis on en parle, comme tu disais, dès l'entrée de jeu, c'est une équipe qu'on parle pas beaucoup parce que justement, les joueurs bougent, puis une rotation, puis on en parle plus souvent parce qu'il n'y a pas de monde dans le stade, parce que l'équipe est menacée de déménager. Mais quand tu te concentres juste sur la façon qu'ils gèrent l'organisation du baseball, même si pour moi, c'est pas la façon optimale pour le Partizan. Ça reste que c'est une façon qui permet à l'équipe de gagner dans une division où les autres marchés ont beaucoup plus de moyens que les autres. Ouais. Allez, en terminant, Bruno, les Capitales ont marqué une sincère hier, 21 à 1. Tu sais, c'est tant qu'à perdre, on va perdre, c'est mieux de mettre tant qu'à perdre. C'est rare qu'on voit ça. Ce matin, j'écoutais Michel Laplante qui était sur les ondes d'énergie dans l'émission à Dupont le matin, puis il disait, tu sais, la veille, la relève avait été pas mal utilisée, fait que le lanceur, il savait là, qu'il serait tout seul au monde, puis quand ça allait pas bien, même s'il regardait vers la cabane, il y a personne qui allait sortir pour venir l'aider. C'est ce genre de match-là, mais souvent, les clichés, c'est juste un match, puis peut-être que les partisans d'autres équipes vont se dire « Ouais, on aurait tous gardé une coupe de points, surtout avec la fin de semaine qui s'en vient à Québec. » Je pense qu'il y aura quand même un beau buzz autour de la fin de saison des Capitales, mais c'est quand même un pointage qui frappe le 21-1, puis 10-12 points à première manche ou à un tiers de manche, tu vois pas ça souvent. Bruno, très intéressant, on s'en reparle dans deux semaines. Merci. Collaborateur Bruno Boutin.